السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الإمام الحافظ النووي رحمه الله: الحديث العشرون، le 20e حديث. D'après أبي مسعود، عقبة بن عامر البدري الأنصاري رضي الله عنه qui a dit: le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: il fait partie, certes, de ce qui est parvenu aux gens provenant des premières générations, provenant des premières prophéties. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Rapporté par Al-Bukhari. Donc ce hadith, comme cité dans le cours précédent, fait partie des hadiths montrant un des mérites de la pudeur, Al-Haya, qui est sans aucun doute un des nobles comportements auxquels appelle l'islam et auquel a appelé les prophéties précédentes, comme cité dans le hadith. Il fait partie de ce qui est parvenu aux gens provenant des premières prophéties. Donc ce hadith est un des hadiths venant montrer un des mérites de la pudeur, al-haya, qui est un des comportements auxquels appelle l'islam et a appelé les livres précédents et les prophéties précédentes. La pudeur, qui est comme cité par le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthamin rahimahullah, une émotion, un sentiment que le serviteur ressent lors de l'accomplissement d'une chose qui ne l'embellit pas et ne l'enjolive pas. Il va alors se rétracter et ressentir de la pudeur, al-haya. La pudeur est donc un comportement louable et incite à l'accomplissement du bien et au délaissement de ce qui va à l'encontre de cela. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: Al-haya'u shu'batun min al-iman. La pudeur est une des branches de la foi. Et il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam: Al-haya'u kulluhu khayr. La pudeur est un bien en tout. Comme cela a été rapporté par l'imam Muslim, et dans une version, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. La pudeur n'est accompagnée, ne vient qu'avec le bien. Et il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam à un homme qui exhortait son frère à propos de la pudeur. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam: laisse-le, car la pudeur, certes, fait partie de la foi. Laisse-le, car certes, la pudeur fait partie de la foi. rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le noble savant, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah, nous dit à propos de la pudeur. Elle est le fait de retenir son âme quant au fait d'accomplir ce qui ne convient pas, par pudeur envers Allah et en espérant ce qu'il a auprès de lui. Puis il nous dit, rahimahullah, et quant à celui dont la pudeur l'empêche d'appeler à Allah, d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable et de dire la vérité, alors cela n'est pas de la pudeur. Cela est appelé du djoubn, c'est-à-dire de la lâcheté, de l'incapacité et de la défaillance. Et quant à la pudeur, elle est seulement ce noble comportement qui te pousse au noble caractère et aux bonnes œuvres et te retient des mauvais comportements dont on a honte. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme qui exhortait son frère au sujet de la pudeur, laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. Laisse-le, car certes la pudeur fait partie de la foi. C'est-à-dire, laisse-le avoir de la pudeur et ne l'empêche pas de la pudeur, car la pudeur, certes, fait partie de la foi. Intaha kalamu rahimahullah. Fin de citation des propos de l'imam Ibn Baz rahimahullah. Nous comprenons donc de cela que la pudeur est de deux catégories. Une pudeur dont l'auteur est louable pour cela, et une pudeur dont l'auteur sera blâmé pour cela. La première, celle qui est la pudeur louable, est comme cité ce qui va empêcher la personne d'accomplir ce qui ne convient pas, par pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant à la pudeur dont l'auteur est blâmé, elle est celle qui va empêcher la personne d'accomplir ce qui lui est obligatoire, ou bien pousser la personne à accomplir un acte qui lui est interdit. Cela par pudeur et par honte des gens. Comme une pudeur qui va empêcher, par exemple, la personne d'ordonner le convenable ou d'interdire le blâmable. Celle-ci sera donc de la pudeur blâmable. Et celle-ci n'est pas la pudeur qui est voulue par le hadith. Et la pudeur peut aussi être divisée en deux catégories. La pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala et la pudeur envers les créatures. Le noble savant, le shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous dit à ce sujet. Quant à la pudeur dans ce qui concerne le droit d'Allah, alors il est obligatoire que tu aies de la pudeur, que tu aies honte quant au fait qu'Allah te trouve, te voit là où il t'a interdit. Et que tu aies honte, que tu aies de la pudeur qu'il ne te voit pas et ne te trouve pas là où il t'a ordonné d'être. Puis il nous dit, rahimahullah, et quant à la pudeur envers les créatures, elle est que tu délaisses tout ce qui contredit la virilité et les bons comportements, les bons caractères. Donc la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala est que le serviteur ait de la pudeur quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le trouve à un lieu où le trouve à accomplir une chose qui lui interdit subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, qu'il ait de la pudeur, qu'il ait de la honte quant au fait de délaisser une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'accomplir. Puis il nous dit, rahimahullah, et la pudeur se divise aussi en deux catégories d'un autre point de vue. Une pudeur naturelle qui est instinctive et une autre qui est une pudeur que la personne va acquérir. Muktasabun. Quant à la première catégorie, donc la pudeur qui va être tabi'iyya, qui va être tabi'i, donc naturel, inné chez la personne, il nous dit, il y a certaines personnes à qui Allah fait don d'une pudeur. Tu trouves donc cette personne dotée d'une grande pudeur depuis son enfance. Il ne parle qu'en cas de nécessité, grand besoin. Ne fait aucune chose si ce n'est par nécessité, par grand besoin, car il a une très grande pudeur, donc il est pudique. Et quant à la deuxième catégorie, elle est celle qui est acquérie par la personne. La personne s'exerce à l'acquérir. Il nous dit, rahimahullah. C'est-à-dire que la personne, de base, n'est pas pudique. Il parle à sa guise, accomplit des actes à sa guise. Puis, il côtoie des gens qui ont de la pudeur. Alors il acquiert d'eux la pudeur. Et le premier d'entre eux est le meilleur, c'est-à-dire la pudeur qui est naturelle. Indaha kalamu wa rahimahullah. Puis, quant à la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Alors, les gens de science, rahimahumullah, expliquent cela par plusieurs sens. Parmi ce qui a été cité, est premièrement qu'il est voulu, à travers cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais ce que tu veux, un blâme et une interdiction. Et cela prend deux sens. Premièrement, donc, c'est-à-dire qu'il y a dans cela une menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui dont l'état est ainsi. Donc, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Et certes, Allah te rétribuera par ce que tu as accompli. Donc dans cela, il y a une menace. Et cela, comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit d'après l'essence du verset, faites ce que vous voulez, il est certes à propos de ce que vous faites clairvoyant. Surat al-Fussilat, verset 40. Donc, le premier sens, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, dit à la personne qui n'a pas de pudeur, fais ce que tu veux, pour la blâmer et pour la menacer quant au châtiment qui l'attend, si jamais elle est comme ça. Donc elle fait ce qu'elle veut, comme acte interdit, et comme acte qui va à l'encontre de la virilité, ou des nobles et des bons comportements. Deuxièmement, parmi les sens qui ont été cités, est que cela est une information du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un ordre à travers lequel il est voulu une information. Donc le sens est que celui qui n'a pas de pudeur fera ce qu'il veut comme mauvais acte. Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Donc la personne qui n'aura pas de pudeur, son état sera qu'elle fera ce qu'elle veut. Cela car la chose qui empêche d'accomplir les mauvais actes est la pudeur. Donc celui qui est dépourvu de pudeur accomplira ce qu'il veut, comme turpitude, comme grand péché ou comme acte blâmable. Et quant au deuxième sens par lequel a été expliquée la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne ressens pas de honte, si tu ne ressens pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si la chose que tu veux accomplir n'est pas une chose dont tu ressens de la pudeur, de la honte envers Allah ou envers ses créatures, lorsque tu l'accomplis, alors fais-la. Lorsque c'est une chose, un acte d'obéissance, par exemple, ou une chose faisant partie des bons caractères et des bons comportements, dont tu ne ressens pas de pudeur, pas de honte à accomplir, ni envers Allah subhanahu wa ta'ala, ni envers les gens, alors à ce moment-là, accomplis-la. Et ne prête pas attention aux gens. Donc, le sens ici est que la personne regarde, et si elle voit que l'acte qu'elle veut faire n'est pas une chose dont on doit avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant au bien des gens, alors qu'elle la fasse, comme les actes d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de délaisser une chose qui est interdite, comme le fait d'avoir des nobles et des bons comportements. Donc le sens ici est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite la personne à faire et à accomplir les actes dont on ne ressent pas de honte ou de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala ou envers les créatures à travers leur accomplissement. Ensuite, pour finir, parmi les points importants et les points immenses permettant de comprendre l'importance de ce noble comportement qui est la pudeur, il y a le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a été décrit par son messager sallallahu alayhi wa sallam comme étant Hayyun Karim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il a été rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, certes Allah est Hayyun Karim, c'est-à-dire qu'il a pour nom Al-Hayy, qui est un nom tiré du mot Al-Haya. Puis il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il éprouve de la pudeur à renvoyer les mains de son serviteur vides lorsqu'il les a levées vers lui. إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Donc, un hadith qui pousse sans aucun doute le croyant à multiplier ses demandes en direction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en direction de son Seigneur, noble et généreux. Dans le hadith, une pudeur qui sied à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne ressemble aucunement à celle de ses créatures, comme cela est le cas pour le reste de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Comme il nous le dit, d'après le sens du verset, rien ne lui ressemble, il est l'audient, l'omniscient. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit à ce sujet: quant à la pudeur du Seigneur, très haut soit-il, envers son serviteur, alors elle est un autre type que l'entendement ne peut atteindre et que la raison ne peut décrire. Elle est certes une pudeur de générosité, de bienfaisance, de majesté. Il est certes, tabaraka wa ta'ala, hayyun karim. Il éprouve de la pudeur à renvoyer les mains de son serviteur vides lorsqu'il les a levées vers lui. Il éprouve de la pudeur à châtier des cheveux blancs qui ont blanchi dans l'islam. Et Yahya ibn Mu'az disait: gloire à celui dont le serviteur commet un péché et dont il éprouve de la pudeur. Et il fut rapporté dans le hadith: quiconque a de la pudeur envers Allah, Allah a de la pudeur envers lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc un sens qui, sans aucun doute, pousse le serviteur, premièrement, à éprouver de la pudeur envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui est comme cité le fait que le serviteur ait honte, ait de la pudeur quant au fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le trouve à accomplir des péchés ou ne le trouve pas dans les actes qu'il lui a ordonné d'accomplir. Puis, de la pudeur envers les serviteurs, qui sera le fait de délaisser tout acte qui va à l'encontre de la virilité, qui va à l'encontre des bons comportements, et dont le serviteur sera blâmé pour cela. Et à l'inverse, le serviteur prend garde à ce qui peut être comparé à de la pudeur, mais qui n'est en réalité pas de la pudeur, comme cité, qui sera tout acte à travers lequel le serviteur va délaisser un acte qui est obligatoire, par honte ou par pudeur envers les créatures, ou à l'inverse, accomplir une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit par pudeur et par honte des gens. Car les véritables actes blâmables sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmés. Quant à ce que les gens vont blâmer parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, alors à aucun moment le serviteur ne doit les délaisser par honte ou par pudeur envers les gens. Et cela sera un des sens du hadith. Donc cela entre dans le sens qui a été donné, idha lam tastahi fasna ma shit, qui est que si le serviteur veut accomplir un acte dont il sait qu'il n'a pas à avoir honte, il n'a pas à avoir de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala quant à cet acte, alors qu'il l'accomplisse. Alors qu'il l'accomplisse et qu'il ne prenne pas compte de ce que les gens vont penser ou du blâme des gens lorsque cela n'est pas une chose qui est interdite ou une chose qui est blâmable, qui va à l'encontre des nobles comportements. Hada, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous accorder les meilleurs des comportements, car certes ne peut guider vers cela que lui subhanahu wa ta'ala, de nous préserver des mauvais actes et comportements, car certes ne peut nous préserver de cela que lui subhanahu wa ta'ala. Allahumma ihdina li ahsani al-akhlaqi wal-a'mal fa'innahu la yahdi ilayha illa ant wa qina sayyi al-akhlaqi wal-a'mal fa'innahu la yaqi sayyi'aha illa ant rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar rabbana inna zalamna anfusana faghfir lana warhamna wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant واستغفرك واتوب اليك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.